Chapitre 2. Quand l'Amérique protégée des criminels de guerre nazis. Le 15 novembre 1949, le département d'État américain écrit à son haut commissariat en Allemagne, HICOG. Le département a reçu une note française du 7 novembre 1949 qui dit en substance « Klaus Barbie, citoyen germanique, ancien chef de la Gestapo de Lyon, est poursuivi par le tribunal militaire de Lyon pour crime de guerre. Deux mandats d'arrêt ont été établis les 1er août et 12 septembre 1945. Le juge français en charge du dossier de la Gestapo lyonnaise a réclamé avec insistance, par le biais des autorités judiciaires de Baden-Baden, que Barbie leur soit livré. En dépit de sollicitations multiples, les autorités américaines n'ont ni arrêté ni rendu Barbie. Les forfaits de la Gestapo de Lyon constituent un des cas les plus graves parmi les crimes de guerre jugés en France. Si un jugement devait être rendu alors qu'un des accusés principaux est toujours libre en zone américaine, les avocats d'autres accusés exploiteraient certainement le fait que les autorités américaines ont refusé de livrer Barbie. La presse s'en emparerait et l'opinion française en serait gravement indignée. Par conséquent, le département demande l'arrestation et la livraison de Barbie et suggère de répondre aux Français que l'affaire sera traitée comme une priorité par le Haut Commissariat. Le 5 mai 1950, le Haut Commissariat américain de Francfort écrit à son tour aux autorités judiciaires françaises, à Baden-Baden, et dit avoir enquêté sur le cas de Barbie Klaus. Une recherche méticuleuse a été menée par la branche de la sûreté publique du Haut Commissariat sans parvenir à localiser les coordonnées de Barbie. À la même date, Klaus Barbie est salarié par l'OPC, une branche quasi indépendante de la CIA dédiée à la lutte clandestine anticommuniste, sous les ordres de Frank Wisner. Elle se fondera en 1952 dans la direction des opérations de la CIA. On a du mal à comprendre que dès 1945, l'armée et les services de renseignement américains ont recruté sans état d'âme d'anciens criminels nazis. L'équation est pourtant fort simple à l'époque. Les États-Unis viennent de battre les nazis avec l'aide des soviétiques. Ils ont désormais pour projet de battre les soviétiques avec l'aide d'anciens nazis. Qui mieux que ces derniers, souvent sans emploi ni ressources dans un pays dévasté, cumulent une solide expérience professionnelle du renseignement et un anticommunisme farouche. Aux yeux d'officiers américains ne parlant pas allemand, ignorant l'histoire européenne et ne sachant par quel bout prendre le nouvel empire soviétique, ces hommes si propres et si courtois offrent une chance à ne pas laisser passer. Certes, le président Truman a posé en 1945 des limites à ce type de recrutement. Sans rejeter a priori les encartés du parti nazi, qui n'étaient pas forcément tous des militants, il faut écarter les grands criminels de guerre. Un tel flou laisse toute latitude aux hommes du terrain dans leur recrutement. Dès la fin de la guerre, les instructions présidentielles permettent la mise en place du projet Paperclip, qui consiste à récupérer nombre de scientifiques et ingénieurs allemands pour les mettre au service des États-Unis. Dans la guerre froide qui s'annonce entre les deux grandes puissances, il n'est pas question de laisser au service des Russes ces cerveaux qui ont porté l'Allemagne aux avant-postes de la recherche en matière de missiles. Une opération de plus grande audace encore est l'enrôlement du général Reinhard Gehlen, ancien dirigeant de l'Abwehr, service secret de l'armée allemande, à la tête d'un réseau de bons Allemands restés en RDA et prêts à y espionner les Russes. Malgré les réticences de plusieurs officiers qui ont combattu les nazis, la CIA prend en charge dès juillet 1949 le réseau Gehlen, autour duquel va se constituer le nouveau service secret de la toute jeune RFA, le BND, Bundesnachrichtendienst. Le seul problème que n'ont pas anticipé les têtes pensantes de l'Anglais et que le réseau Gehlen était, dès le départ, pénétré par les Russes, ce qui entraînera quelques déconvenues lors de futures opérations clandestines. Mais c'est une autre histoire. Klaus Barbie est aux yeux de l'OPC un criminel de guerre de second ordre comparé à Gehlen, un nazi moyen. Il est le type même de ceux qui profitent indûment du système. Né à Bad Godesberg en 1913, le jeune Barbie a rejoint dès avril 1933 les jeunesses hitlériennes. En 1935, il est recruté par les SS au sein du service de sécurité SD, Sicherheitsdienst, affecté à la Gestapo. À partir de 1940, il devient sous-lieutenant affecté au renseignement. De 1940 à 1942, il est en poste à Amsterdam, chargé d'espionner les milieux intellectuels et les juifs. Il se signale déjà par ses brutalités anti-juives. En 1942, il est muté à Lyon, d'abord comme chef de la section renseignement des SS, avant de cumuler cet emploi avec la direction de la Gestapo. Surnommé le bourreau de Lyon, Barbie est célèbre pour avoir torturé et tué Jean Moulin, coordinateur de la résistance intérieure, mais aussi pour avoir organisé la première rafle de l'Union générale des Juifs de France, février 1943, ou encore pour le massacre de 41 enfants juifs réfugiés à Izieux, dans l'Ain, avril 1944. À la fin de la guerre, il quitte Lyon en août 1944, avant la chute de la ville, et abandonne l'uniforme, se faisant passer pour un simple soldat. Prisonnier des Américains, il s'évade et entre dans la clandestinité. Avec d'autres SS et anciens haut gradés, il forme un groupe d'entraide clandestin, la Kameradenschaft, qui délivre des faux papiers aux anciens SS. En février 1947, presque tout le réseau est arrêté. Barbie s'échappe de justesse. En avril, il retrouve par hasard un ancien officier de l'Abwehr, Josef Merck, avec qui il a travaillé à Dijon. Merck anime un réseau d'informateurs pour le compte officiel du CIC, le contre-espionnage militaire américain. En réalité, le réseau est vite contrôlé par l'OPC, branche de la CIA. Barbie rejoint ce réseau et avoue son passé à l'officier traitant du CIC, qui rédige à son sujet un rapport favorable, le présentant comme un homme honnête, à la fois intellectuellement et personnellement, maître de lui et ne connaissant pas la peur. Il est fortement anticommuniste, c'est un nazi idéaliste dont les idées ont été trahies par les nazis au pouvoir. Barbie est désormais un homme de l'OPC, intouchable. Des officiers du contre-espionnage militaire vont bien s'apercevoir qu'il figure illégalement sur leur liste d'agents. Mais son officier traitant le défend, expliquant qu'il est indispensable à leur activité. Début 1949, son réseau est dissous et Barbie est directement intégré au contre-espionnage. Le CIC réclame encore son renvoi en 1949, refusé. Seule l'insistance de la justice française va le contraindre à interrompre une carrière si brillamment relancée. Comme on l'a vu, l'armée informe faussement le Haut Commissariat en Allemagne qu'elle ne sait pas où est Barbie. D'où la réponse faite aux Français en mai 1950, qui refusent d'y croire et commencent à perdre patience. Les risques deviennent trop élevés. Il suffirait que le SDEC localise Barbie, le capture et l'interroge pour que des têtes tombent. Barbie est donc exfiltré vers l'Amérique du Sud en janvier 1951. Il s'installe en Bolivie, où il entame une vie en apparence paisible d'homme d'affaires. En réalité, il fait partie d'un réseau d'anciens nazis qui s'étend sur toute l'Amérique latine. Leurs activités ne sont pas toutes documentées. Le bourreau de Lyon est repéré par les époux Klarsfeld, chasseurs d'anciens nazis, au Pérou, en 1972, mais il parvient à s'échapper. En Bolivie, il semble bénéficier de solides protections, intervenant notamment comme intermédiaire dans des ventes d'armes. En 1980, il obtient une carte des services spéciaux boliviens et dirige une petite armée de 2000 néofascistes venus du monde entier, les fiancés de la mort, travaillant alternativement pour l'armée et pour les cartels de la drogue. La junte militaire au pouvoir à La Paz tombe en 1982, et avec elle les protections de Barbie. Début 1983, il est arrêté pour fraude financière, et le gouvernement français obtient enfin son expulsion. Il aura fallu attendre près de 40 ans. En recrutant et en protégeant des criminels de guerre nazis comme Klaus Barbie après la guerre, les services américains n'ont pas seulement fait obstruction à la justice de différents pays. Ils ont aussi contribué à semer des mauvaises graines dans toute l'Amérique du Sud. Si l'histoire secrète des anciens nazis réfugiés dans diverses dictatures militaires n'est pas encore totalement connue, il est probable que, comme Barbie, beaucoup ont fait profiter ces régimes autoritaires de leur savoir-faire répressif.